La tragédie de juin 1940, aujourd'hui, la Somme, la dernière bataille. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Et notre invité, le même que lundi dernier, fidèle au poste, l'arme au pied à Metz, j'ai nommé Max Schiavon. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors vous avez publié un livre sur le nouveau commandant en chef, je parle du nouveau commandant en chef depuis le 20 mai 1940, le général Weygand. Ce livre chez Talendier est sous-titré « L'intransigeant ». On verra que Weygand est intransigeant aussi en matière politique, c'est un catholique intransigeant, mais ceci, ce sera dans un instant. D'abord, le militaire. Alors, le nouveau commandant en chef qui vient de Beyrouth à la fin du mois de mai, bah, c'est pas exactement un perdreau de l'année, bien que Churchill, un jour, au début, il le complimente, lui ait dit « Vous avez juste un défaut, vous êtes un peu jeune ». Oui, c'est... Weygand a à l'époque 73 ans, mais comme il a toujours fait attention à son physique et il a fait en sorte d'être en forme, il fait toujours du sport à 73 ans, il monte à cheval, il fait du tennis, il fait du ping-pong à l'époque, ce qui n'est pas si courant que ça. Donc il a une ligne et un visage qui fait beaucoup plus jeune, on dirait qu'il a 55 ans. Alors avec énergie, il décide d'arrêter l'ennemi sur une position délimitée par la Somme, l'Oise, l'Aisne, c'est d'ailleurs sur la Somme que l'Allemand attaquera le 5 juin. Qu'est-ce que c'est cette ligne? C'est une ligne avec une défense en profondeur, enfin elle est ponctuée de hérissons. Alors, il faut rappeler que après la bataille de France de mai 40, après Dunkerque, il reste à la France environ 64 divisions qui ont été perdues. Alors qu'il y en avait 130 au début de la campagne le 10 mai, avec les Britanniques, avec les Belges et avec les Hollandais. Donc la question qui se pose, c'est... nous n'avons pas réussi à tenir avec 130 divisions face aux Allemands, comment tenir avec 64? On ne peut tenir avec les moyens qu'on a à l'époque que le long de coupures, le long de rivières qui permettront de mieux se défendre face à l'ennemi. Parce que, je crois l'avoir dit la semaine dernière, l'armée française, pour des tas de raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici, n'est pas taillée pour se battre en rase campagne, mais elle est taillée pour se battre sur des lignes défensives successives. Donc Weygand, compte tenu de l'infériorité de ses moyens, 64 divisions contre plus de 150 divisions allemandes, 1 contre 3, il ne peut que se défendre le long de la ligne Maginot si on part de l'Est, et ensuite le long de coupures, de rivières derrière lesquelles va s'établir le nouveau front français. Et les hérissons sont les points de défense qui peuvent agir dans les quatre directions. Voilà. Alors le rapport de force numérique... Weygand a une idée, il a le retour d'expérience se fait immédiatement. Le problème, c'est que on ne peut pas trouver facilement remède pour se battre comme on le voudrait, c'est-à-dire avec des divisions de chars, parce que soit on les a perdues, soit elles sont extrêmement amoindries. Donc il a l'idée, avec ce qu'on lui dit, de créer ces hérissons. Ces hérissons, ce sont tout simplement des points d'appui à base d'infanterie, d'artillerie, qui peuvent se défendre dans toutes les directions. Simplement, il est prévu qu'on crée aussi des forces de contre-attaque qui puissent venir délivrer ces hérissons. Alors, cette tactique est très bonne, puisque c'est celle qu'emploieront les Allemands face aux Russes à partir de 1943 et qui marchera, qui fonctionnera tant que les Russes ne seront pas quatre fois plus nombreux. Alors, le rapport de force numérique est défavorable. Je vous propose d'écouter un témoignage d'un officier de l'époque, Louis-François, qui dit qu'on manque de beaucoup de choses. Vous avez un téléphone, Max Schiavon, mais Louis-François en manquait. Nous ne disposions pas de téléphone. Nous ne disposions pas de TSF, si bien que toutes les relations avec la base arrière devaient se faire en voiture. toutes les unités, quelles qu'elles fussent, il leur manquait quelque chose. Aux unes, des casques. Aux autres, nous avions un bataillon de chasseurs à pied qui était excellent, du reste, et très très bien commandé. Seulement, ils avaient des mitrailleuses. Mais ils n'avaient pas de caissettes avec des bandes de mitrailleuses. Il a fallu encore tâcher de les avoir, de les trouver quelque part. Sinon, ils n'auraient pas pu tirer. Enfin, tout était comme ça. Et ce qui a certainement manqué dans les opérations de 40, c'était des hommes sachant vraiment commander, sachant prendre vraiment des responsabilités, ayant du courage, ayant de l'audace, ayant de la maîtrise de soi. Pendant la bataille de la Somme qui commence le 5, on n'a pas noté de défaillance des hommes, mais vous citez, Max Schiavon, le colonel Groussard, qui dit « On a manqué de chefs audacieux, nos chefs étaient trop timorés ». Oui. Oui, ça certes, il y a, on dirait aujourd'hui, un problème de management. Nous avons des forts en thème, des premiers de la classe, des chefs qui ont fait des analyses souvent scientifiques et qui ont malheureusement retenu de l'expérience 14-18 que la guerre se mène de façon industrielle à base de barème, mais ils n'ont plus cette énergie, cet talent qui faisait les troupes napoléoniennes, les troupes du Second Empire ou bien les troupes de 1914. On a tellement, si vous voulez, perdu d'hommes en août 14 avec cette théorie d'offensive à outrance que les chefs français se sont retranchés derrière uniquement des méthodes, des théories abstraites. Et donc, ils ne commandent pas. 5, 6, 7, 8, bon, ça tient. Et puis, au bout de quelques jours, la ligne de la Somme commence à être crevée et les troupes allemandes vont commencer à se mettre en ordre de bataille entre Soissons et les Ardennes. Cette offensive va s'étendre jusqu'à la Champagne. 8, 9, 10, là, la situation devient très difficile. Oui, le plan allemand qui s'appelle le plan rouge pour la deuxième phase de la campagne a trois objectifs. D'abord, attaquer sur la basse Somme, vous l'avez dit. Ensuite, lorsque la percée sera réalisée, laisser s'engouffrer les unités de deuxième niveau. Dans un deuxième temps, le deuxième aspect du plan rouge, c'est basculer sur la Champagne des forces blindées, avec l'idée très nette que la Champagne est un plateau, une plaine dans laquelle les chars pourront passer librement. Et ensuite, dans une troisième phase, il s'agira d'attaquer la ligne Maginot, d'abord entre Saint-Avold et Sarreguemines, et puis ensuite sur le Rhin, au nord de Mulhouse. Et Paris sent, notamment à partir du moment où les Allemands touchent Elbeuf et Rouen, qu'il peut être encerclé, se pose la question de l'évacuation de la capitale, sur laquelle Weygand a une position qui vous étonne. Oui, alors, ces affaires de capitale et de ville libre, comme l'on dit, c'est-à-dire vide de troupes pour éviter de bombardements, ont fait l'objet de beaucoup de polémiques à l'époque, on en parle moins aujourd'hui. Weygand voudrait défendre les villes à condition que ce soit utile militairement. Sinon, il juge que c'est totalement inutile. Donc, Paris, si Paris avait été défendu, ça n'aurait servi à rien militairement parlant, puisque la 7e armée du général Frère, qui était au nord, a réussi à retraiter en bon ordre en passant à l'est et à l'ouest de la capitale. Donc, il a sauvé Paris, en quelque sorte. Hein. Max Schiavon, qu'est-ce que faisait du gouvernement laissé à Paris ? Weygand, il pensait qu'il fallait laisser le gouvernement à Paris à la merci des Allemands. Militaire. Effectivement, dans un premier temps, il conseille au gouvernement de rester à Paris. Et puis il avouera plus tard qu'il s'est trompé. Hein, il s'est trompé, le gouvernement aurait dû avoir l'idée de retraiter, ce qu'il fera d'ailleurs vers Bordeaux quelques jours plus tard. Alors on en est encore au 8 juin. Le général de Gaulle, on l'a dit la semaine passée, a été nommé sous-secrétaire d'État à la guerre dans le cadre d'un remaniement du gouvernement Paul Reynaud. Il connaît un peu Weygand qu'il a d'ailleurs nommé général de brigade à titre temporaire le 1er juin. Il l'a reçu à ce moment-là. Mais nous sommes ici, le 8 juin, semble-t-il, nous sommes dans une lecture des mémoires du général de Gaulle qui, le lendemain, ira rencontrer Winston Churchill, le premier ministre britannique. Tandis que les organismes de liaison arrangeaient les entretiens que je devais avoir dans la capitale britannique, je fus le 8 juin prendre contact avec le général Weygand au château de Montry. Je trouvai le commandant en chef calme et maître de lui. Mais quelques instants de conversation suffirent à me faire comprendre qu'il était résigné à la défaite et décidé à l'armistice. Voici presque textuellement ce que fut notre dialogue, dont les termes sont, et pour cause, restait gravé dans mon esprit. « Vous le voyez, me dit le commandant en chef, je ne m'étais pas trompé quand je vous ai, il y a quelques jours, annoncé que les Allemands attaqueraient sur la Somme le 6 juin. Ils attaquent, en effet. En ce moment, ils passent la rivière. Je ne puis les en empêcher. Soit, ils passent la Somme. Et après ? Après ? C'est la Seine et la Marne. Oui. Et après ? Après, mais c'est fini. Comment fini ? Et le monde et l'Empire ? Le général Weygand éclata d'un rire désespéré. L'Empire ? Mais c'est de l'enfantillage. Quant au monde, lorsque j'aurai été battu ici, l'Angleterre n'attendra pas 8 jours pour négocier avec le Reich. Et le commandant en chef ajouta en me regardant dans les yeux, « Ah, si j'étais sûr que les Allemands me laisseraient les forces nécessaires pour maintenir l'ordre. » La discussion eût été vaine. Je partis après avoir dit au général Weygand que sa manière de voir était à l'opposé des intentions du gouvernement. Celui-ci n'abandonnerait pas la lutte, même si les combats devaient être malheureux. Il ne fit aucune observation nouvelle et se montra fort courtois quand je pris congé de lui. Le général de Gaulle a donc écrit, voici presque textuellement les termes de notre dialogue qui furent, et pour cause, gravés dans mon esprit. Max Schiavon, votre exégèse à vous. Mon exégèse, là, c'est l'analyse de l'historien. Weygand réfutera toute sa vie ses propos qu'il n'aurait pas toléré, selon lui, à moi compte de mots, donc il n'aurait pas toléré que de Gaulle tienne de tels propos, même s'il était sous-secrétaire d'État, il était encore dans son idée colonel quelques jours plus tard, général à titre provisoire, donc il faut l'analyser avec du recul. Un jour, Alain Perfit est revenu sur ce dialogue. Et de Gaulle a avoué qu'il avait pu transformer certaines choses. Et il a terminé en disant à Perfit, si vous croyez que c'est avec la vérité qu'on fait l'histoire. Donc, on peut envisager que de Gaulle ait un petit peu noirci la situation, comme d'ailleurs beaucoup de gens le feront. Ils diront que Weygand était défaitiste. En fait, là aussi, l'analyse peut être très diverse. Voyait-il la réalité en face ou bien était-il vraiment défaitiste? En tout cas, on peut dire que tous les généraux faisaient pression auprès de Weygand pour qu'il réclame du gouvernement que soit signé un armistice le plus vite possible. Mais lui, curieusement, Weygand a tenu jusqu'au bout. Par exemple, le 10 juin, c'est-à-dire 2 jours après cette entrevue avec De Gaulle, il écrit à Paul Reynaud qu'il n'a pas perdu tout espoir. Attendez, le 10 juin, moi j'ai une autre source. Il y a une nouvelle rencontre parmi beaucoup d'autres hommes entre De Gaulle et Weygand. Weygand, oui. Si l'armée est battue, au gouvernement de demander la cessation des hostilités, le général de Gaulle. Il y a d'autres perspectives. Weygand lui demande, alors lesquelles? Et de Gaulle répond, le gouvernement n'a pas de proposition à faire, mais des ordres à donner, je compte qu'il le fera. Et lui, il était partisan, alors un moment du réduit breton, du repli derrière une ligne de fortification à imaginer qui protégerait la Bretagne, et de la Bretagne on irait en Angleterre, ou bien du repli vers l'Afrique du Nord. Alors, vous avez raison, les deux, ce que j'ai cité, ce que vous avez cité, sont du 10 juin. Hein. Weygand écrit à Reynaud, on n'a pas perdu tout espoir, donc il a un ultime espoir d'arrêter les Allemands, mais également lors du point de situation qui se tient dans la soirée, effectivement, il y a un accrochage de Gaulle-Weygand, et comme Weygand n'entrevoit aucune possibilité nouvelle que de tenir sur la ligne qu'il a fixée, il dit à De Gaulle, qu'est-ce que vous proposez? Et De Gaulle n'a rien à proposer, donc il joue l'homme politique, il dit, effectivement, je n'ai pas de proposition à faire, mais le gouvernement a des ordres à donner, et des ordres qui ne seront pas donnés, d'ailleurs, parce que ce soit le réduit breton ou le partir outre-mer, en l'occurrence en Afrique du Nord, c'était ça qui était visé, Paul Reynaud ne se décidera pas. Paul Reynaud a donné les premières mesures, a donné ses premières directives, et pas des ordres, des directives, le 8 juin seulement, pour partir en Afrique du Nord, en sachant qu'il n'y a pas de le tonnage des bateaux nécessaires, qu'il n'y a pas d'usine d'armement en Afrique du Nord, et qu'il aurait fallu donner ses ordres bien plus tôt, le 20 mai, sans doute. Et l'amiral de la flotte d'Arlan, il aurait réussi à aménager ce passage? La flotte était intacte vers l'Afrique du Nord? Oui, la flotte militaire, mais pour transporter des hommes, il fallait du tonnage, il fallait des cargos et des paquebots civils. Et même en faisant des norias qui auraient traversé la Méditerranée en 24 heures, on aurait pu transporter que quelques dizaines de milliers d'hommes, en plus. militairement parlant, il aurait été très... Alors que nous étions en sous-effectif face aux Allemands, comment faire décrocher des divisions pour s'embarquer à Port-Vendre, à Toulon, à Marseille, alors que le front était percé? Ah, faut-il faire confiance aux experts? Que les chemins de fer étaient submergés par les réfugiés, c'était trop tard. Ah, comment faire confiance aux experts, Max Schiavon? Vous connaissez la phrase de Raymond Aron, qui va rejoindre d'ailleurs Londres. Il dit, le jour du départ de vos couleurs, quels experts auraient donné des chances à Jeanne d'Arc? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais stratégiquement et à long terme, De Gaulle avait raison, mais ce n'était pas faisable à partir du 10 juin. Une chanson un peu antérieure de Jean Tranchant, grand chanteur de l'époque, interprété par Annette Lajon. Tenez, il va être question de la Bretagne ou de Réduit, il n'y aura pas. Viens, moussaillon, mauvaise graine. De partir, tu sembles pressé. Attends un peu que je t'apprenne le mot qui devra te bercer. Ce mot vibrant dont la puissance nous donne l'ardeur et la foi. C'est l'exemple auquel chacun pense, l'écho des grands faits d'autrefois. À l'ouest ou au nord, dans mille décors. France, c'est dans notre existence le mot merveilleux, magique et joyeux de nos jours heureux. La marche de l'histoire, Jean Lebrun. Sur France Inter. Juin 1940, après que la bataille de la Somme a finalement été perdue, qu'est-ce qui peut se passer? Alors le gouvernement, Max Schiavon, vous êtes toujours en ligne. Oui. Vous avez publié Végan l'intransigeant aux éditions Talendier. Le gouvernement s'est replié sur la vallée de la Loire avant d'aller à Bordeaux et à chacune des réunions, soit avec les ministres, soit avec les Britanniques. Végan répète, il faut une paix séparée, il faut une demande d'armistice, c'est aux hommes politiques, c'est pas à l'armée de faire cette demande. Et puis, il est, Végan l'intransigeant, sévère sur les hommes politiques. Il dit, vous êtes le cul sur vos fauteuils, vous logez encore dans des châteaux, vous prenez encore un bain tous les jours, et pendant ce temps, les soldats se font massacrer. Oui, c'est je crois, la raison principale qui le fait exercer une forte pression sur le gouvernement. Il sait, encore une fois, comme tous les autres généraux qui font pression sur Végan, de leur côté, Végan sait que la bataille est perdue, et le fait que tous les jours 1500 hommes se fassent tuer, 4 ou 5000 soient blessés, pour rien, l'entraîne à faire cette pression et à dire au gouvernement, faites cesser les combats. Le problème, c'est que Reynaud, qui était un homme brillant, qui a eu beaucoup d'idées dans l'entre-deux-guerres, se révèle totalement défaillant. Il a voulu jouer à Clémenceau, mais n'est pas Clémenceau qui veut. Hein. Et Paul Reynaud se débat dans une situation inextricable. Parmi son gouvernement, certains ministres sont favorables à la cessation des hostilités et pas toujours ce à qu'il pensait. D'autres voudraient continuer la lutte, mais il ne voit pas trop comment. Alors, Paul Reynaud commence à défendre sa position de pour le moment, ne rien faire en disant « Nous avons un accord que nous avons signé en mars de ne pas conclure une paix séparée. » Et puis ensuite, le 16 juin... un petit peu plus tôt, le 12 ou le 13, je ne l'ai plus en tête, Paul Reynaud demande à Roosevelt l'aide des États-Unis. Et on s'arrêtera à cette date, Max Schiavon, parce que c'est notre sujet de demain. Paul Reynaud, les États-Unis ne peuvent pas aider la France. On en parle demain de Roosevelt. Donc les Américains sont très isolationnistes et Roosevelt va être réélu sur un programme de paix, un petit peu comme Wilson pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, à ce moment-là, quand le 16, Roosevelt lui déclare qu'il ne veut pas aider la France, à ce moment-là, Paul Reynaud accepte de démissionner. Alors je vous arrête, Max Schiavon, je vous arrête parce que demain nous parlerons de Roosevelt. Laissons quand même du temps au temps. Et je voulais vous poser une question retorse. Végan, intransigeant, ça veut dire catholique intransigeant, catholique extrêmement conservateur, catholique qui ne voit pas que le nazisme est l'ennemi du christianisme, catholique qui n'a pas pris la mesure du nazisme et qui déteste beaucoup plus les communistes. Il fait croire qu'il y a un danger communiste à Paris. Bon, il reste 5000 militants au Parti communiste qui est interdit. Et les communistes sont bien impuissants. Il ne va pas y avoir d'émeute à Paris. On l'a entendu tout à l'heure soutenir devant le général de Gaulle que son souci, c'était aussi de maintenir l'ordre. Il fait jouer cette corde politique. Il attend que la République tombe. Non, là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Végan, pour le présenter, parce que nos auditeurs ne le connaissent pas quand même beaucoup, c'est un homme vif, direct. C'est le plus compétent. Tout le monde le sait, même ses opposants. Par contre, il a une incapacité totale au compromis. C'est un opiniâtre au caractère fort. Et ses idées politiques, c'est effectivement le conservatisme. Mais pour reprendre le mot de Charles Péguy, la République, pour lui, c'est une République une et indivisible. C'est son royaume de France. Végan, lorsqu'il a été nommé chef de l'armée en 1931, a écrit une lettre à Maginot, que Maginot a produite à l'Assemblée nationale, à la Chambre, dans laquelle il se déclare républicain. Simplement, c'est un républicain conservateur et qui voudrait une République forte et efficace. En 1958, Végan approuvera totalement la Ve République, alors que qui ne s'est pas du tout réconcilié avec De Gaulle. Mais oui, il dira enfin, depuis un siècle et demi, nous avons la Constitution qu'il nous fallait. La réconciliation avec De Gaulle, elle n'aura pas lieu, en effet. Pour ce qui n'est pas, l'affaire des communistes est aussi une affaire un petit peu compliquée parce qu'il y a eu un coup de téléphone de quelqu'un qui s'est affolé à Paris, mais immédiatement, il y a un démenti. Donc il n'y a pas de prise du pouvoir des communistes à Paris. Le préfet de police Langeron le dément de suite et Végan met de suite fin à cette histoire. Ce n'est pas une rumeur, en revanche, que celle de l'entrée en guerre de l'Italie, que le correspondant du Guardian, Alexander Wert, avait déjà prévu, notant que des haut-parleurs étaient installés au pied du balcon d'où souvent le Duce parlait, et il va le faire le 10 juin, ajoutant une catastrophe à la catastrophe. Segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria. Une heure, marquée par le destin, sonne dans le ciel de notre patrie. L'ora delle decisioni irrevocabili. L'heure des décisions irrévocables. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La déclaration de guerre a déjà été remise aux ambassadeurs. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France. Enthousiasme de commande, dit Ciano, le ministre des Affaires étrangères de Mussolini, qui s'était mis en position de veille, adoptant la non-belligérance. La non-belligérance, ça veut dire, si Hitler me donne Nice, la Corse et la Tunisie, ou fait pression sur la France pour obtenir ces trois possessions et la côte française des Somalies, moi je me mets en guerre. Max Chiavon. Oui, en fait, Mussolini a plusieurs raisons pour entrer en guerre. La première, c'est que depuis 22, il essaie de militariser la société, soit dit en passant, sans donner aucune priorité à l'armée italienne. Donc il militarise la société et un jour ou l'autre, la société est sous tension et il veut l'orienter vers une action militaire. Alors il l'a déjà fait avec la conquête de l'Éthiopie et la proclamation de l'Empire en mai 36, mais cette fois-ci, c'est contre la France. Une autre raison, alors qu'il ne se veut pas opportuniste et pour une fois fidèle aux alliances de l'Italie, là aussi parce que depuis des siècles, c'est Saint-Simon qui disait le duc de Savoie n'a jamais terminé une guerre avec celui avec qui il l'a commencé. Donc Mussolini a dit, nous sommes cette fois-ci fidèles à l'alliance, à l'axe avec l'Allemagne, nous allons donc entrer en guerre aux côtés de celle-ci. Et une troisième raison pour arrêter là, c'est tout simplement de l'opportunisme dont il se défend. C'est-à-dire que la France est à genoux et il pense que comme il le dit lui-même, je cite, quelques milliers de morts nous permettront de nous asseoir à la table des négociations et donc d'obtenir des territoires. Alors la Savoie, Nice, la Tunisie qu'il intéresse m'intéresse beaucoup, et Djibouti. Mais sur le front des Alpes, puisque front il va y avoir, se tient le général Olry avec 190 000 hommes, dont évidemment une bonne partie de réservistes, malgré les prélèvements qui ont été faits dans le sud-est pour renforcer le front plus au nord, l'armée des Alpes va tenir. Oui, l'armée des Alpes, qui était forte de 650 000 hommes en septembre 39, a subi de forts prélèvements parce que les unités italiennes qui étaient sur les crêtes à l'automne 39 sont redescendues dans les vallées, parce que le service de renseignement français a bien vu que les Italiens ne préparaient aucune mauvaise action, et aussi parce que l'hiver a été très précoce et dès fin octobre, il y a plusieurs mètres de neige sur les cimes. Donc il y a impossibilité d'attaquer. Au printemps, effectivement, l'armée française, l'armée des Alpes, aux ordres du général Olry, comprend 190 000 hommes, dont seulement 85 000 combattants. Et c'est eux qui sont en première ligne. Et de l'autre côté, le groupe d'armée commandé par le prince de Piémont, c'est-à-dire le prince Umberto, le fils de Victor Emmanuel III, comprend environ 213 000 hommes. Elle est surprise. Les chefs militaires italiens n'ont rien préparé. Donc, à la déclaration de guerre, ils sont surpris et ils mettent 10 jours pour faire monter les troupes, en général à pied, mal équipées, vers la frontière, vers les sommets, et pour préparer des plans d'action. L'attaque réelle se déroule à partir du 21 juin. Et combien de morts sur le front des Alpes, puisqu'il a tenu? Combien de morts, d'ailleurs, dans la campagne de France? Il y a des estimations hautes et basses. Je ne sais à laquelle vous fixez, vous, Max Chiavon. Alors, pour reprendre, sur le front des Alpes, la situation est très nette. Les Français ont 37 morts, les Italiens 631. Alors que les Français ont 82 blessés, les Italiens en ont près de 4700 contre 82, dont plus de 2100 congelati, c'est-à-dire des soldats qui ont subi des gelures graves fin juin, parce qu'ils sont très mal équipés, et plusieurs centaines seront amputées d'orteils. Mais face aux Allemands, 100 000, alors, comme on l'a dit, face moins. Face aux Allemands, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'analyses depuis 80 ans, on tourne autour de 70 000 morts français. C'est pas du tout 100 000 morts, c'est un petit peu comme les 1000 victoires de l'armée de l'air. L'armée de l'air invaincue, c'est faux. Il n'y a pas eu 100 000 morts français, il y a eu autour de 69 000, 70 000 morts français militaires. Et 1000 victoires d'aviation, c'est trop aussi? Ah, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Parce qu'en fait, il fallait enlever les avions abattus par la RAF, il fallait enlever les avions abattus par la DCA. Le vrai chiffre se situe autour de 570 avions abattus. Ben merci à vous, Max Schiavon. C'est votre journée électronique. Alors, vous étiez au téléphone sans l'application Reportit qu'un de nos invités sur deux seulement arrive à installer. C'est pas moi qui vais vous me moquer de vous. Mais vous êtes en liaison Zoom avec une conférence sur la bataille des Alpes tout à l'heure, organisée par l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. C'est ça, oui, par l'antenne de Dauphiné Savoie de l'IHEDN, et on peut s'inscrire encore à cette conférence qui a lieu à partir de 18h30. Et la référence est portée sur notre site. Les historiens de 1940 ne débandent pas en cette période. Vos livres, l'un sur le général Hunzinger, c'est chez Pierre de Taillac, l'autre sur le général Korap, c'est aux éditions Perrin, et nous avons utilisé beaucoup. Végan, l'intransigeant, c'est aux éditions Talendier. Cette émission était préparée par Juliette Gou, Franck Olivard, Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Martin Penet pour le choix des chansons, à la technique Mathias Alléon et Hélène Kouyoumdjian à la réalisation.